Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bonjour Camille Marguin. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. C'est une nouvelle saison du podcast et une nouvelle vie qui commence puisque cette année nous allons non plus nous centrer sur les métiers des personnes auxquelles je parle mais parler plutôt des croissances, des valeurs qu'elles veulent défendre et voir se développer en 2030 Glorieuse. Donc le podcast va rester un peu dans la structure actuelle classique. Si vous la connaissez, vous ne serez pas vraiment perdu et à la fois va nous permettre d'aller plus frontalement sur les enjeux politiques qui moi m'intéresse vraiment en se rendant compte de toutes les limites de notre période actuelle et de tout ce qui peut nous attendre de chouette dans ces fameuses 2030 glorieuses que j'essaie de déployer depuis longtemps. Le podcast c'est une partie de cette galaxie des 2030 glorieuses. Il y a aussi un atelier, il y a des méditations, il y a plein de choses. Bref, vous pouvez aller voir tout ça sur 2030glorieuses.org. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux pour ce premier exercice un peu nouveau pour moi de donner la parole à Camille Marguin. Camille Marguin, elle a fait trop de choses dans sa vie pour que je la présente et donc je vais te poser tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, Camille. Je vais te poser tout de suite la question que je pose à mes invités. Tu es dans un événement, il y a des inconnus, arrive la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Mon travail, non, tout le monde dit ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Non, moi, je réponds que je suis une militante associative et politique maintenant. Voilà. Je suis militante et donc ça en partie me rémunère, mais pas que. Attends, militante associative, ça veut dire quoi, Camille, en général? Et on te pose un peu la question. Les gens qui tout de suite disent associatif, ça m'intéresse, ils ont envie de savoir. D'ailleurs, je dis militante associative parce que politique, ça fait peur aux gens, c'est drôle. Donc, je viens plutôt du monde associatif et je suis militante dans le sens où il y a très longtemps, au tout début de ma vie professionnelle, je me suis dit, il faut que je sois à la place où il y a le plus d'impact pour le monde que je veux voir advenir. Et donc, il y avait un côté très militant. Et du coup, je n'avais pas envie d'être consultante, d'être salariée d'une association. Non, je suis une militante associative. Et des fois, ça me rapporte de l'argent parce que les assos me rémunèrent pour des missions. Et des fois, c'est du bénévolat. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai deux principales cordes à mon arc. C'est la mobilisation citoyenne et l'animation, la facilitation en intelligence collective. On va revenir sur tes engagements, ton parcours professionnel, parce que ça peut quand même intéresser de comprendre un peu comment tu en es arrivé à ce que tu fais actuellement. Moi, je parlais de Victoire Populaire, parce que c'est vraiment la casquette la plus grosse que je vois sur ta tête en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et surtout, si jamais tu devais te présenter en racontant à quoi tu contribues, moi, ça m'intéresse commencer à un peu essayer de mettre des mots sur ce pourquoi tu te bats. Parce que je trouve qu'en 2024, on est en 2025 parce que je trouve qu'en 2025 on est encore beaucoup dans l'énergie du contre ou au moins on raconte beaucoup contre quoi on est alors que derrière il y a souvent un pour, il y a toujours un pour. Et moi j'aimerais bien plus insister sur ce pour. Est-ce que tu peux répondre à ces deux questions en même temps s'il te plaît? Du coup, à quoi je contribue? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Donc aujourd'hui, je suis responsable de la mobilisation à Victoire Populaire. Victoire Populaire, c'est un mouvement citoyen qui est né en 2022 à l'époque pour tenter d'organiser une primaire de la gauche, pour tenter l'union de la gauche. Ça paraît tellement loin. Ça paraît si loin, ouais. Depuis, il s'est passé plein de choses politiquement. Et en fait, cette association qui est née en 2021 pour l'élection de 2022 a organisé le premier processus de primaire à l'extérieur des partis avec 100% de financement citoyen et plus de 400 000 votants, ce qui est inouï à l'échelle française, européenne et même mondiale. Donc ça, c'est des points positifs. Les points négatifs, c'est que les partis n'ont pas joué le jeu et que du coup, ça n'a pas marché. Mais bon, c'était un pari. Voilà. L'autre point positif, c'est que ça a quand même donné naissance à un mouvement citoyen qui ne s'est pas arrêté à la primaire, même si ça a été difficile de rebondir parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on avait suscité beaucoup d'espoir. Et donc, en fait, tout ça est resté un peu... les anciens de la primaire populaire disent « j'ai fait l'APP, l'APP, ok ». Et du coup, ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'au moment de la dissolution en juin 2024, tout est ressorti de terre et tout le monde s'est dit « ok, on était ensemble en 2022, on se remet autour de la table en 2024 et on fait la différence sur cette élection ». On est entre une association et un parti politique, on est un trait d'union pour les citoyens qui veulent voir arriver l'écologie, la justice sociale et la démocratie au pouvoir. La gauche, certains disent. Donc après, on peut définir ce qu'est la gauche. Comment faire pour ça pour militer pour ça quand on n'est pas dans les partis? Eh ben, on rejoint des organisations comme la nôtre, Victoire Populaire, et on fait du tractage, du porte-à-porte, du phoning. En tout cas, on agit pendant les périodes électorales et en dehors, parce que il se passe toujours des trucs. Là, en ce moment, on lutte contre l'abstention dans des quartiers où il y a beaucoup d'abstention. Voilà. Le but, c'est de mettre en mouvement les citoyens et les relier à la politique s'ils ont envie. Donc toi, t'as participé à la création de la populaire. Aujourd'hui, tu es une des figures centrales de Victoire Populaire, c'est ça ? Oui, en tout cas, je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir être staffés, payés pour coordonner les actions du mouvement. Et tu n'as pas répondu à ma question de la croissance. C'est hyper important pour moi ça, parce que pour les nouvelles, les 2030 glorieuses, tu vois, vraiment, c'est les nouvelles croissances, parce que je trouve que le mot croissance, il a été pris par le capitalisme, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot croissance, immédiatement derrière, il y a l'idée de croissance économique qui vient. Et tout doit être lié à la croissance économique. C'est comme ça qu'on mesure d'ailleurs le succès d'un dirigeant d'entreprise, mais aussi d'un dirigeant politique, alors que en fait, on peut contribuer à plein d'autres croissances. Et c'est le monde actuel des 2025 qui est décroissant. Décroissant notamment d'engagement politique. Et c'est sans doute ça qui t'a donné envie et qui t'a mis un peu le pied à l'étrier de ces métiers que tu fais maintenant, j'utilise le pluriel. À quelle croissance tu contribues et pourquoi demain ça va être vachement mieux? Moi, un des déclencheurs de mon engagement, ça a été cette phrase, on ne sait pas trop à qui elle attribue d'ailleurs, c'est si les dégoûtés s'en vont, il restera que les dégoûtants. Et je trouve qu'en politique, il y a vraiment ça. Et moi, j'ai été militante associative sur les enjeux écologie, les perturbateurs endocriniens, les ondes, les pesticides. Et en fait, on faisait plein de trucs et on nous bloquait sur des lois, sur des décisions politiques en fait. Et aujourd'hui, on a un système qui fait que c'est les responsables politiques qui peuvent changer la vie des gens, donc les responsables économiques, parce que les entreprises prennent plein de décisions tous les jours qui nous impactent, mais normalement ils sont censés être régulés, si notre démocratie fonctionnait bien, par le pouvoir politique. Et je trouve qu'il y a vraiment eu une décroissance de l'engagement politique à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on vote moins, mais aussi on s'engage moins, on dialogue moins avec ses élus, on croit moins en la politique. On croit moins à la politique, ça veut tout rien dire, mais en tout cas, les gens perdent un peu espoir dans le fait que la politique peut changer leur vie. Or, c'est le cas tous les jours. Tous les jours, il y a des responsables politiques au niveau local, au niveau départemental, au niveau national, qui prennent des micro-décisions qui impactent nos vies quotidiennement. Moi, je crois beaucoup à la croissance de la participation citoyenne, mais pas telle que Emmanuel Macron l'entend, Manu. Moi, je pense que les gens... Et pour moi, c'est pas une injonction. Vous êtes des mauvais citoyens, vous devez aller voter, vous devez participer. Non, je pense que les gens, on devrait leur donner les moyens à leur échelle, avec le temps dont ils disposent, une fois qu'ils ont bien mangé, bien dormi, eu un travail pas harassant, que leurs enfants ont été gardés facilement. Si jamais il leur reste du temps et qu'ils ont envie, qu'ils puissent contribuer à la vie de la cité. Et ça peut être voter en ligne sur des projets, ça peut être discuter avec l'élu local, ça peut être se rendre à une réunion de son quartier. Maintenant, il y a des comités de quartier un peu partout. Et ça, en fait, aujourd'hui, on pointe beaucoup les citoyens du doigt en leur disant... vous ne faites pas vos devoirs de citoyen. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est que les gens, il y a un enfant sur cinq qui mange pas à sa faim en France, les gens sont mal logés, les gens travaillent comme des fous. En fait, on leur donne plus la possibilité. Donc moi, je crois à la décroissance du temps de travail et à la croissance du temps citoyen. Et je mesure un peu ce propos du désengagement. Je voudrais quand même dire que le désengagement politique... On met plein de choses là-dedans, mais les gens s'engagent autant dans les associations qu'avant, voire plus. En fait, il y a des milliers des millions de citoyens tous les jours qui font ça, quoi. Mais justement, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Parce que moi, tu vois, intuitivement, je te représentais comme une gardienne de la croissance de l'engagement ou une gardienne de l'engagement citoyen ou de l'engagement démocratique, mais pas politique. Et je veux bien qu'on fasse une différence, qu'on essaie de nuancer un peu la distinction entre politique et démocratique, parce que, bon, je révèle toutes les coulisses de cet entretien, on est fin 2024, vient juste de sortir des études, des sondages sur la perception de la politique par les Français qui disent je crois que le chiffre qui m'a le plus marqué, c'est 80% des Français pensent que les politiques en gros sont tous pourris. Je fais un méga raccourci, mais c'est un peu ça. Et je me demande. Il y a 84% des Français qui pensent que les responsables politiques ne se préoccupent pas des gens comme eux. Merci de le dire beaucoup mieux que ce que je viens de dire. Effectivement, on gardera cette partie pour l'interview. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, on a vraiment connoté négativement le mot politique. Est-ce qu'une des réponses, ce ne serait pas d'arrêter de l'utiliser et de dire démocratique ? Ah, c'est marrant. Moi, je suis plutôt une défenseuse de... En fait, utilisons les bons mots. En fait, la politique, au sens initial du terme, c'est tout ce qui est régie. En fait, c'est un peu comme la démocratie. La démocratie est une des manières de faire de la politique. Un des formats. Mais pour moi, faire de la politique, c'est noble, en fait. Et je trouve qu'on a un peu... d'ailleurs, c'est aussi une des raisons de mon engagement politique, même si je ne suis pas encartée et pas élue. Hein, c'est un engagement que je... pour la cité et dans le cadre des échéances politiques électorales pour obtenir des victoires. C'est en ça que, pour moi, c'est politique. Et moi, je trouve que tu peux très bien faire de la démocratie, être un participer à ton comité de quartier, à l'assemblée citoyenne de ta ville, si en existe, sans être un militant politique. Pour moi, un militant politique, c'est celui qui va se battre pour que ses idées gagnent les élections. Et en ça, je suis une militante politique. Moi, je pense qu'on pourra changer la société quand on aura obtenu des victoires politiques. Comme un entrepreneur pourrait penser qu'il va réussir sa vie quand il aura vendu plein de dentifrices. Voilà. Après, c'est ça qui est fou, c'est quand on met au monde des véhicules pour porter des idées, que ce soit politique ou économique, et en général, on se focalise sur le véhicule et pas sur les idées. Et donc, toi, tu reviens vraiment à ce qui était censé être véhiculé, transporté, déployé. Oui, puis en fait, on a aussi beaucoup d'études aujourd'hui qui nous montrent que la politique telle qu'elle est aujourd'hui est faite par des élites, des bourgeois. J'écoutais encore Nicolas Framont qui parlait des parasites bourgeois. Moi, je suis vraiment dans ces sujets-là. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas été confrontés à la faim, qui n'ont pas dû travailler, etc., qui sont aujourd'hui à la fois à la tête des partis politiques, à la tête des médias. Et c'est pas du complot, hein. C'est des sciences sociales qui nous montrent ça. Et en fait, c'est des gens aujourd'hui à qui on confie le fait de nous représenter. Bah en fait non, allons-y en fait, pourquoi pas nous. Donc aujourd'hui il y a plein de collectifs qui émergent, démocratiser la politique, passons nous, qui disent en fait il faut qu'on y aille. Moi j'ai vraiment ce discours, je me dis en fait il faut que tout le monde y aille. C'est pas une injonction encore une fois parce qu'il y a des gens qui ont pas envie, pas le temps, etc. Mais tout le monde, si on veut être bien défendu, il faut qu'on se défende nous-mêmes, ou que ça soit à minima des gens qui nous ressemblent. Il faut plus de femmes, il faut plus de jeunes, il faut plus de personnes non blanches. En fait, c'est une évidence. Là, on a vu qu'il y a pour la première fois de l'histoire, un député qui a été élu en fauteuil roulant, qui est paraplégique. Je ne sais plus. Et il a fait voter une loi sur le remboursement à 100% des fauteuils roulants. Et tout le monde est là, waouh ! Bah oui, mais en fait, personne avant n'était concerné par le sujet. Autre exemple, le Sénat a voté contre la baisse du prix des protections hygiéniques. Bah oui, en fait, c'est que des hommes blancs de plus de 60 ans. En fait, c'est pas leur quotidien. Donc... Alors que si on avait proposé le remboursement des couches pour les seniors, peut-être, ce que là... Je crois qu'elles sont remboursées. Ah putain, tu ne rigoles pas. Moi, je pense que ça, c'est un dispositif médical et que c'est sur ordonnance. On fact-checkera. Ouais, je pense. Donc pour moi, il y a vrai enjeu à en effet remettre les choses. Et puis en plus, il y a aussi une super interview de Vincent Tibéri sur Blast qui explique qu'en fait les Français sont de gauche. Alors après, on peut ne pas avoir envie de parler de la gauche et de la droite. Les Français sont écolos, les Français veulent plus de justice sociale, les Français sont inquiets des changements climatiques et veulent que le gouvernement prenne des mesures radicales pour contrer ce changement climatique. Donc en fait, statistiquement, aujourd'hui, la majorité des gens, quand ils s'expriment, disent on veut du progrès social, on veut de la justice, on veut plus de... Attends, mais t'imagines ce matin sur France Inter, Jean Covici disait que 9 agriculteurs sur 10 sont prêts à mettre en place tous les changements nécessaires à la transition écologique dans le monde agricole. Ils sont payés correctement. Ouais, ils disent correctement. Si on peut continuer à bouffer... Ou bouffer mieux, parce que les agriculteurs aujourd'hui, c'est l'enfer. Là, on nous dit que l'enfer, les agriculteurs sont en colère, pas du tout prêts pour ces changements écologiques, etc. Là, en fait, si. Oui, l'étude mais ils du sont en colère parce qu'ils ne vivent pas de leur travail. Absolument. Et que ça rend fou n'importe qui, en fait. Ils bossent... moi, j'ai de la famille dans le monde agricole. Ils bossent Enfin, ils ont pas de vacances, s'ils partent 5 jours par an, c'est le max. Au milieu du repas de Noël, il faut aller traire les vaches. Enfin, on en est là quand même. On revient aux coulisses de notre interview. Camille, après avoir tapé sur la table, est en train de taper sur la cuisse. Moi, j'ai peur pour sa tasse qui est remplie de café, peut-être encore, pour voir si elle va le dingue. Mais en tout cas, tu t'animes et tu parles beaucoup avec les mains et ça, c'est chouette. On revient à cet engagement. Toi, tu t'es dit, en fait, les Français, ils se sont détournés de la politique, ils se défendent plus. Et comment ils peuvent aujourd'hui s'engager ? Sur quel type d'engagement toi tu travailles en particulier ? J'aimerais bien qu'on donne des exemples concrets d'engagement. Et derrière, la question pour clôturer un peu cette première partie, c'est comment on peut commencer à avoir des indicateurs qui nous permettent, quels sont tes indicateurs à toi qui te permettent de mesurer l'engagement des citoyens et des citoyennes et comment faire en sorte que ces indicateurs ils aillent dans le bon sens ? Non, attends, j'ai pensé à un truc quand t'as parlé. Il y a un truc qui est important, c'est que en fait, il faut aussi réaliser aujourd'hui que ces combats politiques qui régissent nos vies sont de plus en plus abandonnés par une partie des citoyens, parce que les partis politiques qui sont l'organe de transition entre le pouvoir et les citoyens sont défaillants sur plein de points, et je ne leur jette pas la pierre, c'est le modèle de notre constitution qui fait ça. Le financement des partis, je rentre pas dans les détails, mais ils sont aussi eux-mêmes gouvernés par des lois de financement. Et donc, en fait, ils sont coincés dans un cercle qui fait qu'ils ne prennent plus le temps de former des citoyens, d'agir au niveau local comme le Parti communiste a pu le faire pendant des années dans des quartiers, d'être dans tous les territoires, etc. Ce qui fait que les citoyens se détournent des partis en pensant que la politique, c'est les partis, et du coup, se détournent du sujet. Or, pour obtenir les victoires dont on a besoin, il faut qu'ils se battent pour l'obtenir et que le meilleur moyen, c'est de gagner des élections. Pour moi, les indicateurs assez simples, ça serait en fait, si on avait, je sais pas moi, 3% d'un vivier humain. Par exemple, on prend une ville moyenne, on se dit il y a 3% de cette ville-là qui s'active pour faire advenir la justice sociale, l'écologie, la démocratie, faire gagner à l'élection. Donc ça peut être une liste commune de gauche, une liste citoyenne, un parti en particulier. J'ai pas de chapelle, voilà, on fait comme on veut, mais 3% des citoyens de cette ville qui s'activent, qui font du porte-à-porte, qui organisent des événements, qui font du tractage, etc., on gagne. En fait, si aujourd'hui, les gens qui veulent voir advenir ces victoires s'activaient 5 semaines avant les périodes électorales, avec les bons outils, les bonnes méthodes, on gagnerait toutes les élections. Autre sujet, il y a environ 50% des gens qui ne vont pas voter, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées de la politique, mais aussi mal inscrites sur les listes électorales et que c'est un énorme frein au vote. Donc on parle de 45 millions d'électeurs, 8 millions qui sont mal inscrits sur les listes, 2 millions qui ne sont pas inscrits. Donc on perd 10 millions de personnes comme ça. Et en fait, la gauche, la justice sociale, etc., perd chaque fois à 400 000, 500 000, 600 000 voix près. Il y en a 10 millions à aller chercher, là. Mais sur les 10 millions, il y en a peut-être qui votent pour l'extrême droite. Il y en a peut-être, mais en fait, statistiquement, les gens qui votent à droite, ce sont les plus privilégiés, les plus vieux, donc les plus organisés, mais surtout les plus pour qui c'est le moins compliqué d'être bien inscrit, d'aller voter, d'aller s'inscrire correctement dans un commissariat. Aujourd'hui, on demande à des gens qui déménagent beaucoup, notamment des gens qui sont étudiants, jeunes, etc., ou alors des gens qui sont dans des logements sociaux, qui déménagent beaucoup, etc., qui sont parfois non blanches, d'aller eux-mêmes dans un commissariat pour faire leur changement d'adresse, de bureau de vote, etc. Ben, en fait, on marche sur la tête. Et donc, en fait, on sait aujourd'hui statistiquement, c'est pareil, il y a des super études sociologiques, Jean-Yves Dorman, Vincent Tibéri, qui nous explique que majoritairement ceux qui sont mal inscrits sont jeunes, donc les moins de 35 ans, 40% des moins de 35 ans. Et il se trouve que les moins de 35 ans, s'ils votaient comme les plus de 65 ans, pas plus, hein, juste au même niveau, c'est-à-dire à 60-65%, on gagnerait toutes les élections. Donc, il faut arrêter de penser que la France est de droite, déjà, premièrement. Deux, il faut que ces gens-là... Il y a un enjeu d'espoir, en fait. Je ne leur jette pas la pierre, vraiment, ils ne sont pas responsables. Mais par contre, il y a un enjeu de leur montrer qu'en s'activant, en allant eux-mêmes demander à leurs potes de s'inscrire sur les listes, en allant voter, etc., ils pourraient voir advenir le monde qu'ils souhaitent, d'après ce qu'ils déclarent, en tout cas, dans les sondages, quoi. Donc, pour récapituler, toi, pour réussir à aller dans le sens de ta croissance de l'engagement politique, démocratique, citoyen, on le dit comme on veut, tu as deux indicateurs. Un indicateur qui est la capacité pour le plus grand nombre de pouvoir aller voter, exactement, d'avoir les conditions qui soient exactement réunies pour aller voter. Exactement, réunies, que le vote soit accessible et facile, comme pour tout le monde. Un indicateur, c'est d'avoir des personnes qui sont, elles, directement impliquées dans la le dynamisme de la vie politique au quotidien, parce que tu dis 5 mois avant les élections, je trouve que c'est un peu dommage. J'ai même 5 semaines, mais... 5 semaines, t'as dit. Mais en fait, les gens décident pour qui ils vont voter dans les dernières minutes ou dans les derniers jours. Moi, je pense que si 5 semaines avant les élections, t'as 3% d'une population qui vraiment allait tous les soirs tracter ou tous les week-ends... Je pense pas que c'est contre-productif de faire ça et que ça continue à nous donner l'impression que le plus important, c'est les élections et qu'ensuite, on peut retourner à notre petite vie et qu'on mériterait d'avoir des gens qui soient là pour travailler des sujets de fond, faire venir des gens et qu'on se nourrisse et qu'on prenne du plaisir à le faire ça sur le temps long. Moi je suis d'accord, mais ça, alors oui, ça c'est sûr que ça serait mon rêve, mais pour moi ça demande un changement sociétal qui n'arrivera que quand on aura gagné les élections. Donc en fait on est coincé. En fait pour ça il faut que les gens ils vivent dignement de leur travail, qu'ils aient des modes de garde, qu'ils aient pas froid chez eux et qu'ils dorment bien. Enfin en fait on a tellement de critères. Moi j'ai fait du porte-à-porte dans mon quartier, j'habite en quartier politique de la ville, avec dans des immeubles bourgeois de propriétaires, tout le monde disait mais oui évidemment je suis bien inscrit, pourquoi n'irais-je pas voter, évidemment que tout le monde doit voter. Et puis la porte d'après, à 50 mètres, je comprenais pourquoi les gens n'allaient pas voter. En fait, c'est de la misère sociale, en fait. Allez-y, vous, enfin, ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas pourquoi les gens ne vont pas voter, venez faire du porte-à-porte avec nous dans des quartiers d'abstention. Vous allez comprendre. En fait, je pense qu'il faut sortir de son entre-soi. Et donc, déjà, si les gens vont voter, je trouve ça formidable pour eux-mêmes. En plus, s'ils arrivent à dégager un peu de temps en amont des périodes électorales, c'est top. On ne peut pas demander à tout le monde d'être engagé sur la citoyenneté en permanence. On pourra en 2030, évidemment. On pourra quand on aura réduit nos temps de travail, quand on sera passé aux 4 jours par semaine, que les retraites Stop. Seront à 55 ans. On va en ans. Parler. On va faire ce voyage en 2030 glorieuse. Attends, un dernier indicateur, Vas-y. Victoire populaire, pour reboucler là-dessus. Nous, notre ambition, c'est qu'on ait 50 000 personnes. Donc, tu vois, on ne demande pas 50 000 personnes qui soient formées, outillées aux techniques de mobilisation, de rue, de tractage, de porte-à-porte, pour préparer 2027. 50 000 personnes formées, ce n'est pas une formation d'une heure. On a 50 000 acteurs du changement politique dans tous les territoires en France d'ici 2027 et eux vont pouvoir en période électorale paf activer les choses. On en reparle à la fin du podcast. Pour l'instant, juste pour nous donner le nombre de départs, pour montrer les progrès à faire, il y en a combien pour aujourd'hui, l'instant dans vos réserves? Franchement, je ne saurais pas te dire. Nous, on a une grosse force de frappe, on a une base de données avec 500 000 personnes, mais ils ne sont pas tous actifs et je dirais qu'on a peut-être aujourd'hui, on a peut-être 2000 bénévoles actifs. Ok, donc fois 25 sur ce chiffre d'ici 2027. Camille, on va voyager en 2030 glorieuse, on va raconter toutes les étapes d'après quand on aura réussi, ça va être trop bien. En attendant, pour respirer un peu, parce que là c'était très intense comme première partie, merci pour ça, tu nous apportes un cadeau, une lecture qui va nous permettre de toucher du doigt un peu plus poétiquement peut-être les valeurs que tu aimerais voir se développer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu viens nous lire? Un beau livre rouge avec une couverture puissante que tu as dans les mains. Je ne sais pas si c'est poétique, ça s'appelle « Le pouvoir ». La couverture est très belle, de Naomi Alderman. Je ne sais pas comment ce livre est arrivé chez moi, mais c'est passionnant. Je lis et après je raconte ou je raconte et après je lis? Tu racontes pourquoi tu veux nous lire ça et ensuite tu vas nous lire. Pourquoi je vous lis ça? Je lis peu de romans, je lis beaucoup de livres politiques malheureusement. Et ça c'est un roman qui parle du pouvoir des femmes. Et en fait le pitch du roman c'est que des femmes découvrent, un peu comme le Covid, d'un coup, il y a une maladie qui se répand dans le monde et les femmes peuvent envoyer des décharges électriques avec la paume de leurs mains. Et c'est les adolescentes qui commencent à voir ça. Et donc, les adolescentes qui sont embêtées, agressées dans la rue, paf. Et en fait, on voit une vidéo d'un mec en supermarché qui s'effondre. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça arrive au Japon, ça arrive aux États-Unis, ça arrive en Europe. Et tout d'un coup, voilà. Et là, c'est l'histoire de quatre... Donc, il y a quatre... personnages qu'on suit dans l'histoire, un homme et trois femmes qui, avec des positions différentes dans la société et qui vivent cette épidémie que les femmes se transmettent. J'essaie vraiment en toutes circonstances de trouver quelques commentaires positifs, assure Daniel. Mais là, votre équipe ne m'a pas donné un seul élément utilisable, conclut-il en lâchant les pages qui s'éparpillent sur la table. Arnold, son adjoint au budget, opine sans piper mot, en se tenant le menton dans la main, un geste curieux et peu naturel. Je sais que ce n'est pas de votre faute, reprend Daniel. Vous êtes en sous-effectif, vous manquez de moyens. Nous savons tous que vous essayez de faire au mieux dans les circonstances difficiles. Mais ça, c'est tout bonnement inexploitable. Margot a lu le rapport rédigé par son cabinet. Oui, c'est culotté. Il prône une stratégie de transparence radicale quant à l'état actuel de la protection, des traitements ou un potentiel retour à la normale. Ce dernier est inexistant. Daniel continue sur sa lancée et liste un problème après l'autre sans jamais dire « je ne suis pas assez courageux pour faire ça », bien que chacune de ses objections sonne comme un aveu. Margot garde les paumes collées bien à plat sous le plateau de la table. Daniel parle, parle, et elle sent le fourmillement s'accentuer. Elle respire très lentement et très régulièrement. Elle sait qu'elle peut contrôler ce truc et c'est le contrôle qui lui procure du plaisir, au début. Elle imagine en détail ce qu'elle ferait. Elle n'a guère de mal à s'en faire une idée en écoutant Daniel débiter son laïus. Elle a eu en elle amplement de quoi l'empoigner à la gorge et le supprimer d'une seule décharge. Et il lui en resterait largement assez pour foudroyer Arnold à la tempe et l'envoyer au tapis. Ce serait facile. Ça n'exigerait guère d'effort. Elle pourrait même agir vite pour qu'il n'y ait pas de cris. Elle pourrait les buter tous les deux ici même dans la salle de réunion 5B. Margot est perdue dans ses pensées, loin, très loin de cette salle, de cette boucle en perpétuel mouvement en face d'elle qui lui évoque un poisson rouge. Elle se trouve dans un royaume élevé et imposant, un lieu où les poumons s'emplissent de cristaux de glace et où tout est limpide. Ce qui est en train de se passer autour d'elle n'a guère d'importance. Elle pourrait les tuer. Voilà, la vérité. Elle laisse son pouvoir lui chatouiller les doigts, roussir le vernis de la table. Elle sent son odeur chimique qui soulève un peu le cœur. Peu importe ce qu'il raconte, elle pourrait les supprimer en moins de deux et avant même qu'ils n'aient le temps de soulever leurs fesses de leur fauteuil. Elle sait qu'elle ne doit pas le faire, qu'elle le fera jamais. Mais là encore, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle pourrait, si elle voulait. Le pouvoir de nuire, de faire mal, est une forme de richesse. Elle coupe subitement la parole à Daniel. « Ne me faites pas perdre mon temps avec ça, Daniel, » assène-t-elle d'un ton sec. « Il n'est pas son supérieur, il ne peut pas la virer, à l'entendre, on croirait que c'est ce qu'il pense. Vous et moi savons que personne n'a de réponse. Si vous avez une idée lumineuse, on vous écoute, sinon... » Elle laisse sa phrase en suspens. Daniel ouvre la bouche comme s'il s'apprêtait à riposter, puis la referme. Sous la table, Margot sent le vernis ramollir sous ses doigts, frisé et tombé en flocons sur la moquette. C'est bien ce que je pensais, reprend-elle. Alors, unissons nos efforts pour une fois, d'accord, l'ami ? Se jeter réciproquement au lion serait absurde. En cet instant, Margot pense à son avenir. Un jour, Daniel, tu me serviras d'essence. J'ai de grands projets. Ouais, ouais, c'est vrai, fait-il. Et Margot songe. Voilà comment un homme parle, et voilà pourquoi. Dis-moi ce qu'il y a derrière cette lecture qui te donne envie pour les 2030 glorieuses. Alors, c'est un peu différent du sujet que je porte sur l'engagement citoyen, mais je trouvais que ce livre était plein de puissance parce que, en fait, c'est une dystopie dans laquelle on imagine que les femmes découvrent qu'elles ont un pouvoir. Et du coup, ça renverse l'ensemble de la société. Donc là, c'est un exemple d'une cadre dans une collectivité locale qui est en face de deux hommes et on sent que le fait qu'elle sache qu'elle puisse avoir du pouvoir, ça change sa manière d'être aux hommes. Et en fait, c'est le cas aussi d'une jeune fille dans le livre, c'est le cas d'un homme qui du coup se rend compte qu'il a moins de pouvoir que les femmes et donc lui-même change de posture. Et je rêve qu'en 2030 glorieuse, sans passer par la violence de ce livre malheureusement, parce que ça finit avec beaucoup de violence, on réussisse à ce que les femmes ressentent ce pouvoir en elles. Et je pense que beaucoup, beaucoup de femmes, et on voit les chiffres aujourd'hui, ont subi des intimidations, des violences, du harcèlement sexuel, voire pire. Et vraiment, j'espère qu'on va retrouver collectivement cette force des femmes, pour les femmes et pour les hommes de ce monde, pour être à égal et pour penser la société de demain ensemble. Et arrêter d'être dans ces systèmes d'oppression et d'intimidation, etc., etc. Et donc, je trouve que ce livre est bien écrit dans le sens où il te remet dans plein d'histoires qui pourraient être ton quotidien. Voilà, une réunion de bureau avec deux hommes. Et qu'est-ce qui se passerait si en fait tu avais vraiment le pouvoir sur eux ? Et la posture, elle ne les violente pas. Mais sa posture mentale change et ça change la réunion, quoi. On est en 2030 glorieuse, ça y est, on va parler de ce pouvoir qui a été mieux redistribué. Merci pour cette lecture, Camille. Les 2030 glorieuses, c'est pas cucu les petits oiseaux, on a réussi, c'est magnifique, et puis maintenant on peut continuer comme si de rien n'était. Non, c'est l'humanité qui rentre dans l'âge adulte et qui enfin se met à la hauteur des enjeux de notre siècle, avec énormément de choses encore à faire. Et on pourrait parler comme ça encore de l'extinction des espèces qui est en cours, on pourrait parler encore du chaos climatique qui ne s'arrête pas comme si on appuyait sur un bouton, on pourrait parler plein de choses, et à la fois on sait tous les matins qu'en se réveillant on va se mettre au service de ces nouvelles croissances et que les autres autour de nous font de même avec leur talent, leur singularité, leur énergie. On n'est plus dans cette défiance qui nous laissait croire qu'il y en avait plein qui agissaient, et d'ailleurs pas que croire, qui nous laissait voir qu'il y en avait plein qui agissaient pour faire que rien ne bouge, que rien ne change, pour faire en sorte que certains privilèges soient maintenus. En 2030 glorieuse, l'humanité a mis de l'humilité dans son quotidien et on reprend notre place parmi le vivant. On agit et parfois on non agit aussi. C'est important de se rendre compte qu'on n'a pas les réponses à tout. Cette question de l'engagement citoyen est devenue aujourd'hui largement normalisée. Dis-moi, toi, comment tu le vois dans la rue quand tu vas te promener par exemple en ville, quand tu passes dans un lieu de rassemblement public, une plage, j'en sais rien, comment ça se matérialise, cet engagement citoyen qui est devenu absolument évident? Ben, pour moi, très concrètement, ça se traduit voilà, on a réussi à réduire notre temps de travail, à vivre correctement de ce qu'on faisait, voilà, on s'est un peu en tout cas, on commence à se défaire des contraintes du quotidien, et pas que les bourgeois. Vraiment, moi, je crois en la lutte des classes, et je pense qu'aujourd'hui, et c'est le cas dans nos organisations, on peut s'engager parce qu'on a le temps, on n'est pas trop fatigué, on a l'argent pour aller se payer un coup le soir avec tous les militants et discuter. Il y en a plein qui ne l'ont pas. Et donc, en 2030... glorieuse, on sent quand on va là, on sort de chez soi, qu'il y a des petites bibliothèques partagées, que les gens s'arrêtent dans la rue pour discuter, qu'on sort du travail à 17h. Donc en fait, entre 17h et 19h, on a le temps de discuter avec ses voisins, de replanter un petit bosquet en bas de chez soi, parce qu'en fait, ça a été voté au budget de la copro qu'on allait faire des petites plantations de fruits et légumes en bas de chez soi. Et du coup, tout le monde a un petit quart d'heure le soir pour faire un petit truc. On a le temps d'aller à une petite réunion entre 17h et 17h30 avant d'aller chercher les enfants pour décider du prochain projet collectif. Et la réunion, ça tombe bien, elle a lieu dans le parc en bas de chez soi, parce qu'on a débétonisé collectivement des zones pour se réapproprier l'espace public. Et en fait, il y a ce petit quotidien d'engagement pour le citoyen, pour le collectif, qui peut être à l'échelle de son immeuble, à l'échelle de son quartier, et puis pour ceux qui le souhaitent, un engagement peut-être un peu plus important à l'échelle de sa ville. Voilà. Et on se donne le temps de ça, de l'échange, quoi. Donc là où en 2024 la ville était un espace, un lieu de passage, là on voit qu'il y a des espaces de conciliabule, d'engagement, il y a des agora, il y a plus d'endroits où on peut s'asseoir collectivement. Il y a des endroits où on peut s'asseoir, et puis on sait que si on est là et qu'on reste un quart d'heure, on va croiser Philippe, on va croiser Ahmed, Fatima, parce qu'on est dans un quartier, on est tous ensemble, et puis qu'on sait qu'on avait monté ce projet avec eux, puis que là ils rentrent à peu près à cette heure-là, et on tchatche un peu. Et ces espaces en 2024, ils existent déjà, mais malheureusement ils sont aussi un peu des lieux de privilégiés, faut se le dire, quoi. Et donc en 2030, c'est des lieux qui sont vraiment ouverts à toutes et tous. Ils ont toujours été ouverts, mais là ils sont vraiment appropriables par toutes et tous. Tu te rappelles ce livre que tu m'avais lu en 2024 sur le pouvoir, qui là en l'occurrence parlait du pouvoir des femmes? C'est un peu la même chose aujourd'hui en 2030 glorieuse, parce que celles et ceux qu'on pouvait qualifier de défavorisés à l'époque, se sont rendus compte à quel point ils avaient du pouvoir politique, et que ça, dans leur manière justement d'occuper le territoire, ça a considérablement ça les a empuissantés, en fait. Ça les fait sentir non pas à côté, non pas en dessous, mais d'égal à égal, pour justement participer à tous ces espaces qui existaient en fait déjà un peu à l'époque, mais qui étaient accaparés par certaines classes de la population. Ouais, c'est intéressant là ce que tu dis, cette notion-là. Moi, j'ai écrit mon mémoire de fin d'études il y a très longtemps sur les facteurs psychosociologiques de l'engagement. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens s'engagent et des gens ne s'engagent pas? Et sans résumer toutes ces pages en deux mots, mais la confiance est la clé de l'engagement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voit en 2024 les personnes les plus privilégiées s'engager, parce qu'elles ont plus confiance en elles, parce que la société leur a montré qu'ils avaient le temps de faire des études, leurs parents les écoutaient. Il y a plein de choses qui leur ont donné confiance en eux, qui font qu'ils se sont sentis légitimes pour s'engager. Or, en 2030, on a aussi peut-être un peu réparé l'école publique. On a remis des moyens dans les endroits où il y avait le plus besoin pour qu'on redonne confiance à plein de gens qui étaient nés peut-être dans des classes moins favorisées, qui avaient peut-être eu faim quand ils étaient jeunes. Eh ben, à l'école, ils ont bien mangé gratuitement, 3 repas par jour. On leur servait et le petit-déj et on leur donnait un petit truc pour le repas du soir. Et en fait, on leur a donné les armes physiques et intellectuelles pour se dire qu'ils étaient capables, qu'ils étaient légitimes. Et donc, c'est plus facile pour eux de se dire qu'ils peuvent choisir leur métier, qu'ils ne le subissent pas, qu'ils ont le droit dans leur entreprise de participer aux décisions. Un des moteurs du vote RN en 2024, c'est la non-participation aux décisions collectives au sein des entreprises. Plus les gens sont exploités au sein de leur entreprise, moins ils ont de choix de quelles tâches ils vont faire, dans quel ordre, etc., plus ils votent pour l'extrême droite. Et donc, le fait de ramener du pouvoir au sein de l'entreprise, au sein de sa collectivité, au sein de son immeuble, ben en fait, ça recrée du lien et ça redonne confiance dans le collectif et donc dans des imaginaires positifs, quoi. Ça semble tellement loin, hein, tout ça. Tu parles du RN et je me rappelle à l'époque, là, tout de suite, ça m'a fait revenir en tête un peu ce populisme à tout craint, tu vois, qui était libéré, mais vraiment sans plus cacher. Et cette envie de révolution, hein, pour une grosse partie des Françaises et des Français. Moi, j'aimerais bien te questionner là-dessus. Tu vois, comment on a réussi justement? Quels ont été les points de bascule? Est-ce qu'il y a eu un moment de rupture? Et c'est important de te poser cette question parce que nous, les Françaises et les Français, c'est vrai qu'en général, quand on parle de point de bascule, on pense à la Révolution, on parle de couper des têtes. Est-ce qu'on en est passé par là ou est-ce qu'il y a eu au contraire des moments qui sont passés par la joie, par l'insolite, par le... Je sais pas, dis-moi, sans tout me raconter, parce que forcément, il n'y a pas eu un grand soir, mais donne-moi des éléments pour comprendre ce qui a fait les points de bascule, s'il te plaît. Déjà, je vous conseille de regarder en 2025 le film No. N.O., qui parle d'un référendum... Gabriel Garcia Bernal. Incroyable ce film. Et qui montre une campagne joyeuse, festive, avec de l'espoir. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ceux qui y croyaient encore et qui n'étaient pas majoritaires dans le pays, c'est-à-dire qui croyaient au fait qu'on pouvait avoir un pays plus solidaire, plus écologique, plus démocratique, eh ben, ils se sont retroussés les manches. Ceux qui y croyaient et qui avaient les moyens d'y croire, parce que voilà, encore une fois, je ne jette pas la pierre. Et ceux-là, ils sont bougés, ils sont réunis à 5, 10, 20, et en fait, ils ont fait la différence au niveau encore une fois, pour moi, ça s'est passé par les élections. En fait, ils ont gagné des petites victoires sur des projets locaux qui ne devaient pas avoir lieu. Déjà en 2024, il y a un rapport qui venait de sortir et qui montrait qu'il y avait eu, en l'espace de 260 projets qui avaient été abandonnés pour des motifs écologiques ou sociaux, grâce aux luttes locales. Et en fait, les petites luttes locales, victorieuses, deviennent des collectifs citoyens qui essaient de récupérer le pouvoir dans leur mairie. Ils coupent pas forcément des têtes. En fait, il y a aussi des élus qui acceptent de se dire « Ah oui, en fait, c'est vrai qu'on faisait un peu ça entre nous, et ben là, on va faire la place. Notre liste, elle va être à 50% composée de citoyens, à 50% de notre parti politique, des élus, etc. » Donc, il y a aussi des partis qui ont ouvert leurs portes, des citoyens qui sont devenus des élus, et puis du coup, d'autres citoyens qui se sont dit « Ah, mais si ma voisine est élue, en fait, tous les élus sont peut-être pas pourris. Et puis, en fait, pourquoi pas moi, dans 5 ans? Je pourrais peut-être me libérer un peu de temps. Puis peut-être que peut-être que je vais prendre ma retraite un peu plus tôt. Et puis mes 5 dernières années, je vais les passer au service de mon village ou de ma ville. » Et puis, en fait, ça a semé des petites graines. Et comme ça, bon an, mal an, en l'espace de 5-6 ans, il y a cette force tranquille qui a émergé. Et donc ça, c'était fin 2024, ça commençait un peu à émerger. 2026, pas mal de grandes victoires quand même au niveau des municipales. En 2026, plein de victoires aux municipales, à la fois dans des villages qu'on pensait perdus pour l'extrême droite et qui d'un coup, bah, en fait, un réveil, un sursaut citoyen fait qu'on bascule sur des projets plus tournés vers les autres, sur l'avenir, etc., et pas sur le renfermement. Et puis les victoires de 2026, eh ben, elles ouvrent la voie pour 2027, les élections présidentielles. Et en fait, on se remet à croire à un projet collectif, si bien qu'entre 2025 et 2026, des milliers de citoyens se réunissent partout pour écrire le programme commun de la gauche. C'est quoi notre projet politique pour 2027? Qu'est-ce qu'on a envie de voir advenir? C'est vrai qu'on appelait ça la gauche à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et donc, il s'est passé que des citoyens sont bougés. Comme ils avaient mis leurs espoirs dans un projet politique, démocratique, ils se sont battus pour qu'il advienne. Et en fait, ils ont fait la différence dans les urnes. Et le reste est devenu ringard. Et un combat qui n'a pas été négligé, c'est celui des médias. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui était compliqué en 2024, maintenant, c'est plus le cas, parce que maintenant, les milliardaires ne possèdent plus les grands médias. On est en 2030, on est revenu à des médias publics. Mais à l'époque, c'était très compliqué de faire monter des voix dissidentes, de leur donner des accès aux médias. Mais ça a été contourné par des réseaux sociaux, par des débats au niveau local. Et donc là où les milliardaires se disaient bah, « on est sur la télé, donc c'est bon, il n'y a plus rien à faire, nos candidats sont placés », les citoyens, ils ont contré ça par voilà, des milliers de petites discussions en porte-à-porte, en débat, en tractage. Tu parlais aussi des citoyens privilégiés qui pouvaient se permettre de s'engager sur le terrain, comme tu es en train de le dire, avant que je te coupe horriblement la parole. Mais il y a aussi eu un engagement financier de certains de ces citoyennes et citoyens, parce que justement, il y avait besoin de les soutenir, ces médias. Et je me rappelle à l'époque, Coop Média notamment, qui permettait, qui venait de se lancer et qui voulait justement permettre que ces médias coopératifs, alternatifs, ils puissent prendre assise et faire bien leur travail. Je me rappelle à l'époque de Vers le Média qui lançait une grande campagne de financement pour sortir Chaleur Actuelle. Enfin, on s'est aussi rendu compte que c'était maintenant ou jamais où il fallait mettre la main à la poche. Ça pouvait même être 10 euros par mois, mais 10 euros par mois, c'est énorme quand on est des dizaines de milliers à le faire. Et ça a vraiment aussi permis cette bascule. Oui, parce que le savoir, c'est le pouvoir, et les médias, ils ont un immense impact sur... Alors, ils ont un impact sur l'opinion, mais pas si immense. Donc ça, c'est assez rassurant, parce que comme les jeunes lisent moins en moins les médias, en fait, on a tous les moins de 35 ans qu'il faut convaincre autrement, mais qui ne sont pas encore complètement matrixés par les discours de Bolloré et autres milliardaires sympas en 2024. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu. En effet, les citoyens se sont réappropriés la vie de la cité au niveau local, mais aussi ont repris des parts dans les médias, ont repris des parts dans leurs entreprises, en coopérative. En fait, il y a tout un tas de moyens de s'engager, et ils ont choisi de le faire soit avec un peu d'engagement de citoyen, une ou deux heures par semaine, soit en effet avec quelques deniers économisés par-ci par-là, ce qui a remis le pouvoir aux mains des citoyens et plus des milliardaires. Et donc, on parlait tout à l'heure, tu sais, des deux indicateurs de l'engagement citoyen. On est en 2030 glorieuse. Aujourd'hui, l'engagement citoyen s'est normalisé. Tu parlais des 3 à 5 %, hein, je ne sais plus. C'était une conversation qu'on a eue il y a longtemps sur les personnes vraiment proactives pour faire vivre la démocratie en France. Ça, c'est un peu derrière nous maintenant. À quoi ça ressemble aujourd'hui une France où les gens sont inscrits de fait automatiquement et ont plus à se poser la question d'être mal inscrits? À quoi ça ressemble une France où l'abstention n'est plus le parti majoritaire en France? Raconte-moi, qu'est-ce que ça change pour notre vie démocratique? Il y a ça, il y a le fait que les gens sont bien inscrits, il y a le fait que les gens ils ont accès facilement à des formations politiques, ils sont à l'aise de prendre la parole en public, d'aller assister à leur conseil municipal, il y a des conseils de quartier, il y a une multiplication des assemblées citoyennes où on donne la parole aux citoyens, et puis surtout on indemnise les gens. Donc en fait il y a des accords entre employeurs et collectivités pour que, voilà, Julien, au mois de décembre, il y ait 3 ou 4 jours de ton temps de travail où tu puisses aller siéger au sein d'une assemblée citoyenne pour prendre des décisions éclairées, parce que la prise de décision demande du temps. Il faut pas, les élus, ils sont aussi là parce qu'ils ont le temps de s'instruire des dossiers pour prendre des décisions. Et ben en fait, on investit collectivement de l'argent pour indemniser des gens pour qu'ils puissent aller s'informer et prendre des décisions, comme l'a fait à la grande époque la Convention citoyenne sur le climat, avec 150 personnes tirées au sort et indemnisées. Et donc, on a un peu instauré ça. Donc, toi, tu peux, si tu veux, prendre quelques jours de ton temps de travail. Ton employeur est indemnisé, toi aussi, tout va bien. Tu peux décider de prendre quelques semaines parce que, en fait, il y a les congés citoyens qui existent, et en fait tu peux très bien te dire je travaille 2 ans puis je prends 6 mois, pas pour faire le tour du monde en avion, ça c'est devenu vraiment très ringard, mais peut-être pour faire le tour de France des initiatives qui t'intéressent, ou pour aller accompagner des collectifs citoyens à leur lancement, parce qu'en fait toi tu l'as fait dans ta ville, et donc tu prends 6 mois pour l'aider d'autres à le faire. Et c'est pareil, ça s'est instauré dans la vie locale, quoi. Et d'ailleurs, tu te souviens, je sais pas, à la télé il y avait Stéphane Bern qui faisait le tour des plus beaux villages de France. Il s'est reconverti complètement et aujourd'hui il fait le tour de France des villages les plus engagés, les plus dynamiques au niveau de la vie citoyenne. Et surtout, il y avait un petit collectif qui s'appelait Action Commune qui émergeait en 2024 pour préparer 2026, pour qu'il y ait un maximum de listes citoyennes. Il y a eu une dizaine de listes citoyennes en 2020, peut-être plus qu'une dizaine, et là il vise 600 pour 2026. Et en fait, il y a eu 600 listes citoyennes en 2026, toutes n'ont pas gagné, mais les listes citoyennes, ça permet à des gens de se dire ok, si moi j'étais élu, je ferais quoi. Et donc c'est un espèce de jeu de rôle qui permet aussi de se projeter, et puis certains obtiennent des victoires électorales et peuvent transformer le quotidien des gens, parce que les mairies ont quand même beaucoup de pouvoir. Oui, on disait à l'époque 50% de ce qui pourrait être fait pour endiguer le dérèglement climatique, hein, c'était juste au niveau climatique, était dans les mains des mairies. On disait ça à l'époque. Hein. Je te titillais tout à l'heure sur le fait qu'on disait gauche à l'époque et que c'était plus le cas, mais le fait justement qu'il y ait eu cet engouement au niveau des listes citoyennes a fait qu'on est sorti du clivage historique gauche-droite. À l'époque, en 2024, si je dis pas de bêtises, c'était Florent, son nom m'échappe, Florent Guignard, je crois, qui avait créé le Dranche, qui proposait une nouvelle lecture avec un triangle, l'extrême libéral, l'extrême national et l'extrême, je ne sais plus comment il le disait, du vivant ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle répartition politique, un nouvel échiquier politique qui s'est dessiné, ou aujourd'hui, au contraire, en fait, c'est beaucoup plus territorialisé, donc ce clivage n'a plus trop lieu d'être. Je ne suis pas sûre qu'on en soit arrivé là. Moi, je pense au contraire que la lutte des classes est revenue à un terme à la mode et que les gens ont conscience, soit de leur privilège de classe, parce qu'en fait, ils sont nés avec la capacité de manger tous les jours à leur faim, d'avoir un toit sur leur tête et potentiellement de toucher de l'argent de leurs parents. Ça, c'est une toute petite minorité des gens depuis les années 80. Hein, c'est pas on aurait tellement à dire aujourd'hui sur la manière dont est traité l'héritage en 2030 glorieuse. On a bien évolué sur ces sujets-là. Mais du coup, en fait, on a conscience collectivement, comme on avait conscience en 2024 de la question du genre, des oppressions sexistes et racistes. En 2030, on a complètement conscience de la question des classes et on prend en compte ça dans la manière aussi de faire citer ensemble. Les gens qui ont des privilèges ont conscience de leurs privilèges et du coup sont d'accord pour aussi répartir mieux les richesses. Je pense qu'il y a toujours cette question de la lutte des classes qui est au cœur du sujet parce qu'on n'a pas réussi en 6 ans à obtenir toutes les victoires. On a toujours des patrons qui sont issus des grandes familles riches, donc ils acceptent un peu plus de partager le pouvoir en entreprise parce qu'on les a contraints. Mais c'est pas pour autant que on peut... En 2024, il fallait 5 générations pour sortir de la pauvreté. Voilà, on espère qu'en 2030, c'est plus que 3, mais on espère qu'en 2050, ça sera 0 et que tout le monde naîtra sur un pied d'égalité en France, quoi. Tu fais quoi, toi, d'ailleurs, Camille, en 2030 glorieuse ? Moi, en 2030, en fait, déjà, j'habite dans un lieu partagé avec plein d'autres familles qui me ressemblent et qui ne me ressemblent pas. Et donc, on vit un collectif très joyeux, qui est un lieu ouvert aussi sur le monde. On peut organiser des débats, des conférences. Ouais, ça s'appelle le joyeux bordel, hein, votre collectif. Oui, ça s'appelle le joyeux bordel. Et puis, moi, je travaille à mi-temps seulement, de manière rémunérée. Et le reste du temps, je me suis investie dans la vie locale, justement, auprès de ma mairie. Et voilà, je suis élue à la culture, à la joie et à l'engagement, non, parce que tout le monde est engagé, il n'y a plus besoin. Non, j'organise beaucoup de fêtes populaires pour créer du lien, etc. Voilà. Si jamais on fait cet exercice de revenir en 2025, une époque qui n'était pas glorieuse, hein, on est d'accord, et que les gens qui nous ont écoutés pendant 45 minutes se disent mais allez, quand, comment, quoi, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu leur recommandes, toi, comme action pour continuer à aller vers ces 2030 glorieuses et les faire advenir sans attendre? J'avais fait une conférence il y a quelques semaines qui s'intitulait « Arrêtez de trier vos déchets, engagez-vous en politique ». Moi, je pense qu'à partir du moment où on a pris conscience des enjeux climatiques, des enjeux de justice sociale, etc., c'est génial, c'est un premier pas. On s'est engagé un peu à l'échelle individuelle, on a lu « Ça commence par moi », on a fait des efforts, etc., c'est trop bien. Je pense qu'il faut vraiment... On a repris conscience un peu de son pouvoir d'agir en tant que consommateur, hein, y a vraiment de ça. Je pense qu'il faut rapidement passer à un engagement collectif, parce qu'en fait, c'est ensemble qu'on est fort, que si vous avez déjà opéré tous ces changements à titre individuel, c'est que vous vous sentez impactant pour le monde et légitime pour vous changer vous-même, bravo. Maintenant, il faut intégrer des collectifs. Et ça peut être des collectifs féministes, des collectifs écolos, etc. Et puis, si vous êtes déjà à cette étape de l'association du collectif, j'ai envie de vous dire, lancez-vous en politique. C'est pas un sale mot. Il y a 300 partis en France. Donc déjà, éteignez votre télé. Il n'y a pas que les partis dont on entend parler tout le temps. Il y a plein de petits partis qui peut-être ressemblent plus à vos idées, vos valeurs, etc. Et puis sinon, il y a aussi des mouvements citoyens comme Victoire Populaire qui vous permettent de vous former, passer à l'action. Je pense qu'on a besoin que les gens qui ont conscience de leurs privilèges, conscience du fait qu'ils vont changer radicalement les sociétés, doivent s'engager en politique pour faire gagner ces idées-là aux élections. Sinon, si on ne gagne pas par les élections, si on ne gagne pas par les urnes, il faudra gagner par la rue, il faudra couper des têtes et ça sera de la violence. On a deux choix en fait. Hein. Ou alors, il y a 3 choix. Soit on reste comme on est et on va dans le mur, soit on gagne les élections et on fait un virage, soit on perd les élections et puis en fait ça va finir en bain de sang. Quoi. Donc voilà, moi je prends la voie du milieu.